Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Today, I would like to talk about meditation. I have given instruction for 2 days. The first day for sitting meditation, second day for walking meditation. Just a bit more about walking meditation. Yesterday, I didn't tell the general mindfulness on the steps. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la méditation. Hier, j'ai donné des instructions, hier et avant-hier. Le premier jour, j'ai donné des instructions pour la méditation assise. Hier, j'ai donné des instructions pour la méditation en marche. Et aujourd'hui, je vais parler de la méditation, mais j'aimerais encore dire un mot par rapport à la méditation en marche, que je n'ai pas dit hier. Je n'ai pas parlé hier de l'attention générale au pas pendant la marche. Les yogis devraient pratiquer avec une attention générale, surtout au moment du lever, après le réveil, après s'être lavé, etc. Ils devraient pratiquer la marche, mais sans accorder une attention rapprochée comme pendant le reste de la journée, simplement avec une attention générale. Une attention générale au pas, et ainsi ils se sentiront à l'aise physiquement avant de commencer la méditation assise. Dans la vie quotidienne, quand on marche, qu'on va quelque part, en général, on n'est pas attentif, on marche librement, comme ça nous chante. Mais ici, on essaye de toujours, pendant toute la journée, de porter notre attention avec nous, d'emporter notre attention avec nous. Toutefois, tôt le matin, il n'est pas nécessaire de marcher très lentement et très attentivement. Vous pouvez simplement adopter une allure normale. Mais la différence, c'est que vous notez les pas. Vous notez simplement marcher, marcher, marcher ou faire des pas, faire des pas, faire des pas, et vous adoptez une allure normale. Donc la marche est un peu plus rapide que pendant le reste de la journée, mais ça vous permet d'être à l'aise physiquement. Vous faites ça pendant 30 ou 45 minutes. Et pendant le reste de la journée, quand vous pratiquez la marche, là, vous suivez les instructions que j'ai données hier, c'est-à-dire une note par pas ou deux notes par pas ou alors trois notes par pas. Aujourd'hui, j'aimerais réciter une stance et ensuite j'expliquerai la signification afin d'encourager les yogis en comprenant l'enseignement du Bouddha et en écoutant le Dhamma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha. Les yogis seront inspirés dans leur pratique de vipassana. Donc cette stance, c'est Apamado Amatam Padam, Pamado Machuno Padam, Apamada Namyanti, Yepamada Yata Mata. Donc ça veut dire, l'attention est le chemin de la non-mort. Les personnes inattentives, l'inattention est le chemin de la mort. Les personnes attentives ne meurent pas, les personnes inattentives sont comme déjà mortes. Ainsi que le Bouddha l'a enseigné, lorsque nous sommes nés, nous allons vieillir, nous allons tomber malades et nous allons finalement mourir. En pali, c'est jati, la naissance, jara, le vieillissement, vyadhi, la décrépitude. Et Marana, la mort, c'est inévitable. À moins que nous n'atteignions Nibbana grâce à la réalisation de Magga et Pala, nous devrons renaître encore et encore, mourir encore et encore. Si nous voulons échapper à cela, nous devons pratiquer la méditation. Quel type de méditation? La méditation que les yogis pratiquent à présent, la méditation vipassana. À travers vipassana, les yogis peuvent faire l'expérience de la véritable nature du corps et de l'esprit. Et cette expérience, c'est la compréhension ou la sagesse. À travers l'expérience de la sagesse, les yogis peuvent réaliser l'illumination. Une fois qu'ils ont atteint l'illumination, ils peuvent atteindre Nibbana et échapper à la souffrance, échapper aux renaissances. C'est ça le sens de la phrase du Bouddha récitée au début. L'attention est le chemin de la non-mort. La non-mort, en fait, ça fait référence à Nibbana. L'attention, c'est le chemin vers Nibbana. Si vous ne voulez pas mourir à nouveau, vous devez développer l'attention. Vous devez être attentif. De quelle façon? Vous devez prêter attention aux cinq agrégats, les cinq khandhas. Les cinq agrégats, on peut les ramener au corps et à l'esprit. En résumé, c'est le corps et l'esprit. Si vous vous souvenez des instructions que j'ai données, l'attention au corps, c'était kaya nupassana. Ça comprend toutes les activités physiques. En méditation assise, les yogis sont assis calmement. Ils ne changent pas de posture, ils ne bougent pas ici et là, et ils prennent note de l'objet primaire. Ils placent leur attention sur l'abdomen et ils peuvent voir le mouvement monter, descendre. Parfois, les yogis doivent faire quelque chose, surtout quand ils ont des sensations déplaisantes, et qui ne sont pas capables de rester patients, surtout les yogis débutants. Les anciens yogis parviennent à rester patients et ne changent pas immédiatement de posture. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger, de changer de posture, essayez de le faire avec attention. Bouger avec attention, c'est aussi kaya nupassana. Parfois, vous devez bouger la main parce qu'il y a des démangeaisons, en particulier des démangeaisons insupportables, quelque part sur le corps. À ce moment-là, vous notez bouger, bouger, bouger, poser, poser, poser la main. Ça, c'est le sens de l'attention. Ça, c'est le chemin vers l'état de non-mort. Lorsque votre attention sera suffisamment mûre, elle sera bien établie, vous pourrez voir le processus du corps et de l'esprit, la nature du corps et de l'esprit. Vous pourrez comprendre cela, c'est ce qu'on appelle samadhiti. Vous pourrez comprendre cela clairement et correctement. Vous comprendrez clairement et correctement les apparitions et les disparitions, c'est-à-dire l'impermanence, anicca. Vous comprendrez la nature de l'impermanence des choses. Vous comprendrez la nature de souffrance des choses et la nature de non-soi des choses. De cette façon, vous pourrez réaliser l'illumination et vous pourrez éviter de devoir naître à nouveau. Ça, c'est le sens de la phrase. Ceux qui sont l'attention est le chemin de la non-mort. Pas seulement au moment de la méditation assise, vous devez prêter attention aux activités physiques, mais aussi pendant les activités quotidiennes, après la séance de méditation assise. À ce moment-là, vous allez vous lever et vous devez emporter votre attention avec vous. Vous ne devez pas penser Maintenant, c'est terminé la méditation assise. Je vais me relaxer parce que je suis très fatigué. Vous ne devriez pas adopter cette attitude-là. Même au moment où vous vous reposez, vous devez toujours avoir l'attention avec vous. Vous devez toujours rester attentif au mouvement, à la position du corps. Si vous ouvrez les yeux, vous devez y prêter attention. Vous notez ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ça dépend de votre degré d'attention aussi. Lorsque vous vous levez, vous notez se lever, se lever, se lever. Lorsque vous allez à l'extérieur, vous notez marcher, marcher, marcher. Même quand vous allez à la salle de bain, vous devez appliquer l'attention. Vous devez emporter votre attention tout le temps avec vous. C'est cela le chemin vers l'état de non-mort. Il n'y a pas de temps pour le repos sans attention. Après Kaya Nupassana, il y a aussi Vedana Nupassana, l'attention au ressenti. Après être assis quelque temps, après avoir noté le soulèvement et l'abaissement de manière rapprochée, soudain, vous pourriez être conscient d'un ressenti désagréable, d'une douleur, d'un engourdissement, d'une raideur, de dureté. Il y a beaucoup de ressentis désagréables différents, surtout des douleurs. À ce moment-là, vous ne devez plus observer le soulèvement et l'abaissement. Vous pouvez observer directement la sensation douloureuse. La sensation est forte et vous pouvez diriger votre attention vers elle. Vous pouvez diriger votre esprit vers elle. Ça aussi, c'est le sens de la phrase Apamado Amatam Padam. L'attention est le chemin de la non-mort. En notant les ressentis désagréables, Dukkha Vedana, les ressentis désagréables, vous pouvez les comprendre clairement et à fond, et en les voyant ainsi, vous développez votre compréhension ou votre sagesse, Panya. Ainsi, vous comprenez la nature réelle des choses, des sensations qui sont aussi impermanentes, souffrance et non-soi, anatta, dukkha, anicca, dukkha et anatta. Vous comprenez les trois caractéristiques clairement et à fond, et de cette façon, vous atteindrez l'illumination. Une fois que vous serez arhat, vous n'aurez plus de renaissance. Vous aurez complètement échappé à la souffrance. C'est pourquoi il faudrait que les yogis pratiquent avec diligence. Si les yogis pratiquent la méditation vipassana, ils doivent vraiment comprendre les trois caractéristiques. La caractéristique de l'impermanence d'abord, ou du changement, anicca, et ensuite la caractéristique de la souffrance, ou dukkha. Une fois qu'ils ont réellement compris anicca, automatiquement, ils comprendront aussi dukkha, la nature de souffrance des choses. Les yogis dont l'attention est suffisamment ferme, peuvent voir dukkha clairement. Ils peuvent aussi voir clairement anatta, la troisième caractéristique, le non-soi, la nature de non-soi. L'attention est donc très utile pour les yogis qui veulent échapper à la souffrance, qui veulent éviter de reprendre naissance et donc de vieillir et de mourir à nouveau. L'état sans mort, donc, c'est Nibbana. Et on y parvient par la pratique de Vipassana. Lorsque la douleur apparaît quelque part, essayez d'être patient avec cette douleur. Vous pourriez considérer cette douleur comme votre bon ami qui vous aide à échapper à la souffrance et qui vous aide à échapper à la mort. Parfois, quand la pratique des yogis est très bonne, que leur attention se renforce, leur esprit devient concentré. C'est ce qu'on appelle samadhi. Un esprit concentré est capable de voir l'objet clairement, même les objets très subtils, très très très faibles. Ils peuvent les voir très clairement. Ils peuvent même voir ces objets très petits, très subtils, très menus, comme une forte sensation. Peut-être cette sensation est simplement normale, mais avec l'esprit qui est concentré, la sensation leur apparaît très clairement. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis à propos de la douleur. Prenez en note de façon patiente, avec patience. Le feu, le très vénérable Mahasisayado a dit « La patience mène au Nibbana ». Lorsque vous notez la douleur de façon rapprochée et lorsque l'esprit est concentré sur la douleur pourrait s'accroître. À chaque prise de note, elle pourrait s'accroître un peu, graduellement, de plus en plus. Lorsque vous notez la douleur, vous voyez des qualités différentes. Il n'y a pas de formule toute faite. Ça dépend de la pratique des yogis, ça dépend de leur attention. Ils peuvent voir différentes qualités. Vous pourriez aussi observer que la douleur diminue de plus en plus. Elle diminue encore et encore et encore. Là aussi, il y a différentes qualités, différentes façons pour la douleur de s'atténuer. Parfois, vous notez la douleur et elle n'augmente pas et elle ne diminue pas non plus, elle ne change pas, elle reste simplement telle qu'elle. Parfois, vous pourriez noter la douleur à un endroit et puis être conscient de la douleur qui apparaît à un autre endroit. Tout ça, ce sont des qualités de l'attention différentes. Mais cela montre, si vous voyez cela, que votre attention s'améliore, qu'elle devient continue, ininterrompue. Si l'attention est interrompue, vous ne pourriez pas être conscient de toutes ces choses. Vous ne pourriez pas voir ces choses aussi clairement. Par contre, si l'attention est forte, vous voyez les différentes qualités de la douleur. Vous voyez aussi qu'elle apparaît dans différents endroits. Vous commencez à être conscient de tout ça. C'est pourquoi on encourage les yogis à noter la douleur quand elle apparaît. Vous ne devriez pas être découragé. Une fois que vous êtes en mesure de rester assis pendant une heure sans changer de position, vous aurez de la confiance. Vous pensiez auparavant, oh, je ne pourrais jamais rester assis une heure sans changer de position. Et maintenant, voilà que vous en êtes capable. Même si la douleur ne disparaît pas, vous ne sentez plus autant le besoin de bouger. Et cela ne vous dérange pas tellement d'avoir cette douleur. Ça aussi, c'est une sorte d'amélioration, c'est une sorte de progrès, un type de progrès. Même si vous ne pouvez pas encore comprendre la nature de la douleur, vous avez développé une énergie mentale et vous n'avez plus peur de la douleur. Vous allez continuer la pratique, vous allez poursuivre la pratique parce que vous savez que vous en êtes capable et vous n'avez plus peur de la douleur. C'est ça la voie de la pratique diligente. C'est tout pour aujourd'hui. Puissiez-vous être en bonne santé et heureux. Puissiez-vous pratiquer avec diligence. Puissiez-vous comprendre le Dhamma, les Dhammas tels qu'ils sont réellement et atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ok, that is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana.